Joseph Sabiyabandi. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Isanganiro. C'est le moment de suivre le journal et parler en langue française. Les acteurs dans le conflit burundais se rencontrent ce mardi à Arusha. Certains habitants de la capitale Bujumbura leur demandent de trouver des réponses à la sécurité et à la pauvreté qui hantent la population burundaise. Sur ce, la phase actuelle du dialogue inter-burundais est un moment propice pour redéfinir les principes démocratiques au Burundi, compte tenu de ceux définis avec les accords d'Arusha. Arusha de 2000. Emmanuel Nakarutimana, président du Centre Ubuntu, estime que c'est une occasion qu'il ne faut pas rater. Et le torchon brille au sein du parti Frolina. Certains membres du bureau politique de ce parti se sont arrogés le droit de désigner des représentants provinciaux de ce parti à l'insu du président du parti. Celui-ci qualifie cela comme résultat d'une manipulation politique. Et en actualité sportive, l'équipe Vitalo a remporté ce dimanche le tournoi de la clôture du championnat après avoir battu le messager d'Ongozi, une revanche après avoir été battu par cette équipe lors de la coupe du président il y a de cela 3 semaines. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous le disais en titre, le dialogue inter-burundais reprend ce mardi à Arusha. Certains habitants de la capitale Bujumbura disent attendre de ce dialogue des réponses à la sécurité et à la pauvreté qui hante la population. Ils demandent que tous les acteurs dans le conflit burundais y soient invités, y compris des représentants des groupes armés. On les écoute. Nous demandons aux participants d'observer sérieusement l'objectif poursuivi dans ces pourparlers. Il faut absolument qu'ils parviennent à s'entendre sur le retour de la paix au Burundi pour que chaque citoyen burundais puisse recouvrer ses droits de citoyen. On est en train de perdre du temps alors qu'on devrait normalement trouver la paix, trouver l'unité au Burundi. Demandons aux participants de s'entendre et de collaborer afin que le Burundi soit développé. Le dialogue, c'est le dialogue. Il faut s'entendre pour trouver la solution si la crise qui règne au Burundi. On voit que les Burundais sont même dans l'incapacité de trouver au moins 1000 francs pour manger 2 fois par jour. C'est la pauvreté qui règne et même la sécurité. Aussitôt qu'il n'y aura pas de la sécurité au Burundi, le pourparler n'aboutira à rien. Le seul moyen qu'il y aurait pour que la sécurité revienne dans notre pays, c'est le fait d'inviter tous les partis, tous les mouvements armés. Les priorités sont l'économie du pays, mettre en avant les biens du pays, non pas les places. On leur demande d'aller dialoguer pour le bien-être de la nation. Ils sont capables de trouver la solution. C'est parce que ils sont détenteurs de toute leur potentialité pour rehausser le pays. C'était là certains habitants de la capitale Bujumbura, interrogés par la radio Isanganiro. La phase actuelle du dialogue inter-burundais est un moment propice pour redéfinir les principes démocratiques au Burundi, compte tenu de ceux définis avec les accords d'Arusha de 2000. Tels sont les propos de frère Emmanuel Nakarutimana, président du centre Ubuntu. Il estime que les décideurs qui vont se rendre à Arusha doivent manifester une grandeur de personnalité politique pour la nation. Suivez-le, il est au micro de Placide Niyomungere. Je pense que cette plus-value d'Arusha, avec la dynamique qui était derrière, l'esprit qui était derrière, a été un très grand succès. Aujourd'hui, avec cette dernière crise qui vient déjà de durer plus d'une année, on se rend compte qu'il y a d'autres questions de fond qu'il s'agit d'envisager et probablement qu'il s'agit de faire un retour aux valeurs et principes démocratiques comme ce chemin a été tronqué en 93, qu'il serait utile de le reprendre et de s'entendre de nouveau sur le fonctionnement démocratique de notre pays. Cela est important et il faut le faire. Et je crois que la phase actuelle n'est pas une répétition de 90-93. Elle n'est pas une répétition de la longue palabre d'Arusha jusqu'à l'accord de 2000. C'est une autre étape, mais qui tient compte de la dynamique historique d'un peuple, qui tient compte des déterminants de fond qu'il s'agit de toujours visiter pour être sûr que l'on inscrit le pays dans une gestion responsable de son histoire. Et en tout cas, ce moment est propice, c'est un moment très important pour la vie de la nation et il sera important que les décideurs qui vont se rendre à Arusha manifestent une grandeur de personnalité historique et politique pour la nation et que le débat soit un débat sérieux sur des questions fondamentales et que les résultats que le pays développe une plus-value par rapport à toutes les gestions de crise que nous avons connues dans l'histoire de ce pays. D'après toujours le directeur du Centre Ubuntu, les Burundais devraient développer une dynamique de dialogue en temps utile pour trouver des solutions adéquates aux différentes situations critiques. Frère Emmanuel Nakarutimana compare la société à un organisme qui, des fois, connaît des crises. Encore une fois, on l'écoute. Les crises, il y en aura toujours parce que toutes les sociétés sont des organismes vivants et comme organismes vivants, il y a toujours des mutations qui se font, qui tiennent à différents facteurs et de différents ordres. Donc, ce n'est pas la dernière crise que le pays est en train de connaître. Il y aura certainement d'autres crises dans l'avenir, mais avec des paramètres autres. Ce qu'il faut développer, c'est plutôt cette dynamique de dialogue, cette dynamique de concertation et le faire en temps utile pour éviter les conflagrations. Et probablement qu'il faut provoquer chaque fois de petites crise pour éviter de grosses crises et il est important qu'on sente que les crises ne se ressemblent pas. Chaque crise a ses ingrédients, a ses composantes propres qu'il s'agit de prendre comme telles et de faire une véritable analyse pour trouver des solutions qui soient adéquates. Et naïvement, penser que la crise actuelle, c'est une crise simple avec des ingrédients qu'il s'agit de résoudre par la ruse politique au lieu d'une responsabilité avéré d'homme d'État avec une perspective visionnaire dans le moyen et le long terme, ça serait se tromper de cible. Frère Emmanuel Nakarutimana, il est président du Centre Ubuntu. Toujours sur la page politique, le torchon brille au sein des instances dirigeantes du parti Frolina. Certains membres du bureau politique de ce parti ont procédé ce dimanche à la désignation des représentants provinciaux, des organes que le président de ce parti ne reconnaît pas, parlant d'une manipulation politique. Jean-Pierre Misago, correspondance. Province Makamba, Niondavzi Aster, vice-président Wimana Patrick. Il s'agit là de Vianney Nikonarusanze, secrétaire général du parti Frolina, qui procédait à la lecture des personnes désignées dans les comités provinciaux de ce parti à Rumonge, Bururi, Makamba et Bujumbura. Une trentaine de participants dans cette réunion tenue dans un bar dit chez Chantare à Rumonge en début d'après-midi de ce dimanche, applaudissait la personne désignée. Selon Nikonarusanze Vianney, il s'agissait de la mise sur pied des organes de ce parti, quitte à organiser un congrès national prévu d'ici le 26 août prochain, comme signé le 26 février 2016, dans un acte d'engagement des membres du bureau politique de ce parti en conflit, sous la facilitation du ministre de l'Intérieur et de la formation patriotique. De son côté, Adrien Dairagije, président du Frolina depuis 2013 et qui est accusé de ne pas œuvrer en faveur de la redynamisation de son parti, dit ne pas reconnaître ses organes. Pour lui, une main invisible manipulerait certains membres de son bureau politique pour les vincer à la tête du Frolina au regard de l'évolution politique du Burundi. Dans tous les cas, l'article 4 du dit acte d'engagement stipule que les partis en conflit s'engagent de continuer le processus de redynamisation des organes, même si une des parties ne respecte pas ses engagements. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Sur la page justice, le ministère de la justice met en garde les magistrats qui enfreignent à la loi. Nestor Kayobera, directeur de l'organisation judiciaire, s'indigne que ces derniers jours, certains magistrats aient mis dans les oubliettes les règles d'indépendance, d'impartialité et de neutralité politique. Il menace qu'ils vont subir le même sort que celui de 17 magistrats arrêté et condamné pour avoir outrepassé les règles. C'était lors d'une conférence de presse organisée ce lundi. Les détails avec Christera Nizigama. Dans cette conférence de presse, le directeur de l'organisation judiciaire a insisté sur la mise en garde à l'égard du comportement de certains magistrats qui ont déjà oublié les principes devant guider leur carrière. Faut-il rappeler à ces magistrats certains de ces règles, principes et valeurs qui sont surtout l'indépendance du magistrat, l'impartialité, la légalité, la diligence, l'intégrité, la dignité, la loyauté, le devoir de réserve et de neutralité politique, pour ne citer que cela. Sur base des violations de ces principes par certains magistrats, des juridictions supérieures, des ministères publics et même des tribunaux de résidence, un bon nombre de magistrats et des agents de l'ordre judiciaire ont été suspendus et leurs salaires ont été suspendus et d'autres ont été exclus de la magistrature après l'exécution des peines conformément au statut des magistrats et à ses textes d'application par des mesures de démission d'office. Suite à son non-respect des valeurs des magistrats, Nestor Kayobera a affirmé que 17 ont déjà été frappés par des mesures disciplinaires. Je voudrais vous dire par exemple que nous avons 17 magistrats et agents de l'ordre judiciaire qui ont été condamnés, arrêtés et condamnés par les juridictions compétentes. Nous avons même aussi un planton. Nous avons aussi le nombre de magistrats, des juges supérieurs et inférieurs. Nous avons 17 magistrats, des juges supérieurs et parquets et 6 magistrats des tribunaux de résidence qui ont abandonné de service. Depuis que le ministre de la Justice a annoncé que ce secteur est gangrené par la corruption, le directeur de l'organisation judiciaire a fait savoir qu'un certain nombre de dossiers irrelatifs sont au niveau des parquets, mais sans plus de précision. Il a en outre indiqué qu'aucun magistrat ne peut demander des frais de déplacement pour exécuter un jugement. Merci à Christella Nizigama sur la page Société. Célébrations sont lundi de la Journée internationale de la population. Le démographe Évariste Ngaïmhenda a indiqué que la population burundaise avoisine aujourd'hui 11 millions et selon lui, cette population galopante est à l'origine de la spirale de pauvreté qui terrasse la population burundaise. Alida Ndaïkeza nous fait le point. Ce professeur démographe souligne que le Burundi est parmi les pays dont le taux de fécondité est élevé, ce qui double la population à moins de 30 ans. Le Burundi est réputé être pays nataliste. En moyenne, une femme a 6 enfants avant de ménoposer, ce qui nous donne un doublement de la population tous les 28 ans environ. À ce jour, je crois qu'on n'est pas loin des 11 millions. Évariste Ngaïmhenda trouve qu'un tel effectif expose le pays à une précarité alimentaire. Compte tenu des conditions d'existence des Burundais, qui avec une économie qui repose essentiellement sur une agriculture d'autosubsistance, expose la population à une précarité alimentaire et par conséquent à une précarité économique. Ce qui fait que nous risquons de nous engager dans une spirale de pauvreté qui appelle la pauvreté. Évariste Ngaïmhenda propose alors deux voies de sortie pour que la population devienne une richesse pour le pays dans le développement du secteur agricole. La première mesure est tout naturellement devrait aller dans la logique d'une maîtrise de l'accroissement démographique, c'est-à-dire un effort volontariste de réduction de la fécondité. Il faut des mesures de structuration de notre économie. Et cela passe par un effort volontariste d'urbanisation. Et qui dit urbanisation dit beaucoup de choses. Il y a la gestion et la planification urbaine elle-même. Signalons que le 11 juillet de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale de la population et au Burundi, cette journée sera célébrée ce vendredi sous le thème « Investissons dans l'adolescente ». Alida Ndaïkeza, toujours sur la page Société, environ 4000 jeunes de l'archidiocèse de Gitega se réunissent dans les enceintes de la paroisse Kairoussi depuis ce lundi. L'abbé Jérémy Ndagijimana indique que pendant 3 jours, ces jeunes vont suivre les enseignements liés à la religion catholique et être sensibilisés sur la cohabitation pacifique. Ces activités sont organisées dans le cadre de la célébration du 10e anniversaire du Forum des jeunes de l'archidiocèse de Gitega. Correspondance de Pascal Blaise Caralumille. Les 4000 jeunes accueillis à la paroisse catholique de Kairoussi, jeunes des provinces de Kairoussi, Gitega et Mwaro, et sont de l'archidiocèse catholique de Gitega. L'abbé Jérémy Ndagijimana de la paroisse Kairoussi indique que ces jeunes vont y passer 3 jours à partir de ce lundi en train de suivre des enseignements qui vont fortifier leurs croyances religieuses en vue d'une cohabitation pacifique avec d'autres, indique l'abbé Jérémy Ndagijimana. Il indique aussi que ces enseignements vont leur permettre de vivre en harmonie avec tout le monde, sans considération aucune et comme des chrétiens. L'abbé Jérémy signale que ces jeunes sont venus de 46 paroisses qui comptent l'archidiocèse catholique de Gitega pour la célébration du 10e anniversaire du forum des jeunes de cette archidiocèse de Gitega à Karusi. Ces jeunes en provenance de Gitega, Karusi et Moaro ont été accueillis depuis ce dimanche par les familles respectives qui sont du chef-lieu de la province Karusi et dans les environs. Le matin de ce lundi, plusieurs jeunes, instruits et non instruits comme indiquent certains, étaient dans les rues du chef-lieu de la province, ce qui avait inquiété certains qui n'étaient pas au courant de cette organisation de la paroisse Karusi. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Merci à Pascal Blaise Kararoumié. En actualité sportive, l'équipe Vitalo a remporté ce dimanche le tournoi de la clôture du championnat après avoir battu le messager d'Ongozi. Vitalo prend ainsi la revanche après avoir été battu par le messager lors de la Coupe du Président il y a de cela 3 semaines. À l'étranger, la victoire du Portugal sur la France est fait la une de l'actualité. Balera Vialimana nous en dit plus. Ont participé à ce tournoi de clôture du championnat 2015-2016 Vitalo FC, le messager Ngozi, Mudzinga et Aigle Noir. Samedi, au stade Prince Louis Rwagasore à 14h, messager Ngozi a éliminé Aigle Noir sur 4 tirs au but contre 1 après avoir fait un match de parité d'un but partout. À 16h, Vitalo a battu Mudzinga sur un score de 2-1. La finale s'est jouée ce dimanche où Vitalo FC a pris revanche contre le messager Ngozi en le battant 7 tirs au but contre 6. Après avoir fait un match nul et vierge. Pendant cette rencontre, 11 tirs au but ont été tirés. Pour le match de consolation, Aigle Noir a battu Mudzinga 2-1. Le gardien de but de Vitalo, Marc Arthur Arakadza, se dit satisfait de la victoire contre le messager. Je suis très content. Vous voyez, l'équipe Vitalo est une équipe qui joue sous pression. Elle a beaucoup de supporters, elle utilise beaucoup de moyens. C'est donc une équipe qui a besoin de beaucoup de trophées. C'est une grande joie d'avoir cette coupe. L'équipe Le Messager est une équipe dont les joueurs sont ensemble pendant 6 ans. Mais chez nous, on change souvent les joueurs. Je pense que Le Messager évolue, alors nous ne pouvons pas rester bras croisés parce que nous avons maintenant un nouveau challenger. Et cela nous montre que le football burundais évolue, ce n'est plus les mêmes équipes. À l'étranger, c'est la victoire du Portugal contre la France lors de la finale de l'Euro 2016 qui se jouait ce dimanche au Stade de France à Paris. La France s'est vue battue à la 109e minute sur un but d'Eder. Les supporters portugais avaient perdu espoir quand leur capitaine et le commandante Cristiano Ronaldo, obligé de sortir du terrain après blessure à la 25e minute du jeu. Malgré les tentatives de revenir à la marque de bleu, le match s'est terminé sur ce score d'un but à 0. Le Portugal, qui n'était pas favori, vient de remporter sa première trophée dans l'histoire de l'Euro après avoir échoué de l'emporter en 2004 à domicile contre la Grèce. L'attaquant français de l'équipe d'Atlético Madrid, Antoine Griezmann, a été élu meilleur buteur de l'Euro 2016, alors que le prodige portugais de 18 ans, Renato Sanchez, a été élu le plus jeune joueur de ce tournoi. C'est sur cet élément que nous bouclons son journal, mais avant de vous quitter, le rappel des titres. Les acteurs dans le conflit burundais se rencontrent ce mardi à Arusha. Certains habitants de la capitale et Bujumbura leur demandent de trouver des réponses à la sécurité et à la pauvreté qui hantent la population burundaise. Sur ce, la phase actuelle du dialogue interburundais est un moment propice pour redéfinir les principes démocratiques au Burundi, compte tenu de ceux définis avec les accords d'Arusha de 2000. Emmanuel Nakarutimana, président du Centre Ubuntu, estime que c'est une occasion qu'il ne faut pas rater. Et le torchon brille au sein du parti Frolina. Certains membres du bureau politique de ce parti se sont arrogés le droit de désigner des représentants provinciaux de ce parti à l'insu du président du parti. Celui-ci qualifie cela comme résultat d'une manipulation politique. Et en actualité sportive, et vous l'avez entendu, l'équipe Vitalo a remporté ce dimanche le tournoi de la clôture et du championnat après avoir battu le messager d'Ongozi. Une revanche après avoir été battu par cette équipe lors de la Coupe du Président il y a de cela 3 semaines. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.